Aujourd'hui c'est la vie de cafard quand tu regardes chaque jeune qui est armé face à ce monde comme dit mon pote chaque jour. C'est la course au matériel, au respect à l'argent. Les meilleurs font plus d'efforts et font du cash en marchant. Je suis ignoré par la chance. Je vois que laser nous fait l'œil, c'est pas la fête. Les gyrophares des stars font pas effet de light. Comme d'hab on reste là sur le banc de l'abribus. À compter le temps en bête et en rêvant d'une belle brabus. Va demander à Morad, on est en plein dans l'âge maudit. Les petits frères Braddy du 18ème au rue de Chondy. Je me demande quel héritage on laissera à nos gosses. Car garder l'esprit collé à la brique, c'est pas ça qui les mettra sur les bancs de l'école. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. On a tous grandi au milieu des toxicos. Barbès c'est plus toxique que les faubourgs de Mexico. La rue est dangereuse comme l'automédication. La facilité, c'est le début des complications. Comment veux-tu transmettre valeurs et principes, être crédible lorsque tout tourne autour du fric? Il détourne des millions et passe pour un munch, wesh. Alors qu'un comique se fait juger pour un sketch. Tous pourris, tous de mèche, et tu peux pas test. Tant d'abus d'autorité, de délits de faciès. La vertu rendue obsolète comme une cassette. Dans la rue tout se reflète comme une boule à face. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. Tout est calculé, manipulé pour qu'on soit tous brûlés. Qu'on finisse en enfer et qu'on voit notre propre sang couler. On est tous collés au bitume comme un string. Au cul d'une pute, on avale tout ce que la street peut éjaculer. C'est sûr qu'on la connaît la disquette. Ils nous l'ont fait à l'envers comme tous ces pédophiles qui se disent prêtres. On cherche à s'en sortir, je sais pas, peut-être parlera. Pour l'instant y'a pas de check, c'est des psartèques, on en reparlera. C'est pas des ragots quand on raconte que l'enfance nous use. On devient vieux avant l'âge, on devient pas rejouer, la France nous juge. Elle a coupé nos ailes pour stopper notre envol. C'est dur de prendre de l'âge quand on a l'esprit en travaux. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, plein de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. C'est dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. Seul ou à plusieurs, les comportements diffèrent. On se sent fort, tout permis en présence de ses partenaires. Le ras-le-bol de la violence se traduit dans les urnes. Évidemment que ça n'excuse pas tout le manque de thunes. Surtout pas le crime, la routine, la réalité du quartier. Les conditions de vie ne sont presque jamais mentionnées. Le manque d'espace, d'intimité lié à l'habitat. Les besoins fondamentaux, le désengagement de l'État. Si on a l'air civilisé, on manque d'humanité. Aujourd'hui inégalité rime avec banalité. On exclut des gens, des familles qu'on abandonne à leur sort. Sans effort, on n'arrive à rien, dis-moi si j'ai tort.